De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Alors, l'humain a toujours voulu explorer, en fait, tout ce qui l'entoure. Il est naturel de penser que, en fait, tous les recoins de notre planète ont été étudiés. Alors, c'est une erreur. Il existe encore des écosystèmes encore moins bien connus que la Lune. Les sources hydrothermales dans les grandes profondeurs océaniques et plus précisément les fumeurs noires ont encore de nombreux secrets à nous révéler. Alors, pour nous en parler davantage, je reçois Christiane Dupont. Bonjour, Christiane. Bonjour, François, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, Christiane, en fait, j'aimerais ça que tu nous expliques exactement qu'est-ce que c'est qu'un fumeur noir et puis comment ça se forme. Bon, alors, c'est pas quelque chose qui est très connu. Hein. Les fumeurs noirs, vous allez vous demander peut-être pourquoi je parle de ça aujourd'hui. On va passer à l'actualité, mais vous allez voir que c'est plus actuel qu'on pourrait le croire à l'origine. Donc, les sources hydrothermales, c'est des genres de petits volcans. C'est pas exactement la bonne expression, mais ça se forme dans les zones océaniques très, très profondes. Donc, on parle de plusieurs kilomètres de profondeur. Donc, c'est pas accessible à l'humain moyen. On peut pas aller voir ça de nos propres yeux. Là où deux plaques tectoniques, les plaques tectoniques, c'est comme les gros morceaux de casse-tête, hein, la croûte terrestre, on connaît ça. Il y a certains endroits où les plaques tectoniques s'éloignent tranquillement. Donc, veut, veut pas, il y a de la lave, du nouveau matériel. Qui jaillit du centre de la Terre. Exactement. Qui jaillit du centre de la Terre et qui se retrouve à la surface de la croûte terrestre, mais quand même dans les fonds des océans. Et il y a de l'eau qui sort de ces fissures-là. Et elle est très chaude, entre 60 degrés et 464 degrés Celsius. C'est le point le plus chaud. Ça commence à être chaud. Oui, parce qu'effectivement, on s'attend même qu'à cette température-là, en fait, on ne sait pas. Est-ce que l'eau va pas? Il y a beaucoup de pression. Ça peut être une superfusion, là, sans aller dans les détails physiques du truc. L'eau peut être très, très. Très, très, très chaude. Très, très, très chaude, très acide, beaucoup de pression et très chargée en minéraux. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des fumeurs noires? Bien, justement, c'est que l'eau qui sort de ces fissures-là est chargée beaucoup de cuivre, de fer, de zinc et de soufre. Je vais te rappeler du soufre. Sous forme de sulfure, oui, c'est ça? Sous forme de sulfure. Et ces produits-là, je pense qu'ils sont noirs, effectivement. Oui, c'est ça. Ça donne, visuellement, on peut aller voir sur Internet, il y a des vidéos de tout ça. Ça a l'air d'une fumée noire qui sort littéralement dans l'océan. Et les minéraux, quand l'eau se retrouve en contact avec l'eau plus froide du reste de l'océan, ça va précipiter. Donc, tous les petits minéraux vont, en guillemets, se sédimenter, former une cheminée de minéraux. Ça forme vraiment une cheminée. Oui, vraiment une cheminée. Là, ça vaut la peine d'aller voir sur Internet. Qui est noir, j'imagine, oui. Oui, noir ou grisâtre, là. Fait que ça fait plusieurs cheminées comme ça. Il existe également des fumeurs blancs. C'est pas les mêmes minéraux, on va retrouver du calcium, du barium ou de la silice, puis c'est moins chaud, un peu moins spectaculaire. Donc aujourd'hui, on va parler des fumeurs noires particulièrement. Et en fait, depuis combien de temps est-ce qu'on connaît ces écosystèmes extrêmes, si je peux dire? Ce qui est intéressant, justement, c'est que ça fait pas très longtemps qu'on connaît ça. Donc, la première exploration qui n'a pas été vue d'un homme, ça n'a pas été vu d'humain, c'est un appareil à distance, téléguidé, en 1977. Donc, par une caméra, là. Par une caméra, en 1977. Ça ne fait pas si longtemps quand on y pense, ça fait un peu plus de 30 ans, mais bon. Et en 1979, ça a été vu d'œil humain pour la première fois dans le Pacifique Est. Donc, ça a vraiment été une très grande découverte. Vous allez voir pourquoi, à cause de la biologie. Et on était à peu près à quelle profondeur, à ce moment-là? Une profondeur moyenne des fumeurs noires que l'on connaît, c'est 2100 mètres. C'est quand même 2 kilomètres dans le fond de l'eau. C'est quelque chose. Et les plus profonds sont à 5 kilomètres. Oh. Alors, on s'imagine la quantité d'eau. Il n'y a plus de lumière. Il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Il fait froid. Il y a plusieurs... La pression est énorme. La pression est vraiment énorme. Il y a plusieurs fumeurs noires qui ont été découvertes récemment, juste en 2008, d'ailleurs. Ils ont été trouvés entre la Norvège et le Groenland. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très nouveau. OK. J'imagine qu'il y en a probablement un peu partout sur la planète. Oui, il y en a un peu partout maintenant, le long des plaques tectoniques partout dans le monde où les plaques s'éloignent. Oui. Donc, il y a plusieurs points chauds, là, un peu partout. C'est là qui se sont créés, finalement. Exactement, exactement. D'accord. Donc, et puis, c'est vraiment l'eldorado du biologiste. Je crois que les biologistes qui ont découvert ça, on aura le même sentiment que l'explorateur qui a découvert le tombeau de Toutankhamon, probablement, là. Donc, Est-ce que tu es dans, en fait, est-ce qu'on retrouve de la vie, en fait, dans ces conditions extrêmes? C'est justement ce qui est intéressant, ça foisonne de vie. C'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est ça aussi hostile. Oui, c'est ça, ça a d'ailleurs remis en question plusieurs théories sur l'origine de la vie, je vais y revenir. C'est le seul écosystème à notre connaissance maintenant qui ne dépend pas aucunement de la lumière du soleil. Tout à fait, parce qu'il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout. Et puis, D'accord, il y a d'autres animaux sur Terre en ce moment qui ne dépendent pas, eux, directement du soleil, non. Mais leur nourriture ou quoi. Il y a toujours un lien indirect avec le soleil. Oui. En passant par le phytoplancton, qui est en fait la plante de base. Là. Exactement, qui est le gazon des océans. Oui, exactement. Donc là, non, c'est complètement séparé. La base de l'alimentation... Et de quoi? Et ce sont des bactéries chémosynthétiques. Nous, on connaît la photosynthèse. Oui, hein? Oui, oui. C'est ce qui nous rend vivants. C'est les plantes qui utilisent la lumière pour fabriquer de l'énergie. Exactement. Et des sucres. Et des sucres, voilà. Alors que les bactéries proches des fumeurs noirs ont évolué tellement d'une autre manière. Il n'y en a pas de lumière. Écoute, il n'y en a pas. Donc, elles utilisent le soufre pour faire de l'énergie. Donc, c'est chémo pour chimie, chimique. Donc, ces bactéries sont vraiment spéciales. Leur métabolisme utilise seulement du soufre. Oui. Pas d'oxygène, pas de lumière. Donc, elles tirent leur énergie du soufre, en fait, des sulfures. Et le sulfure qui est très toxique pour la vie en général, là, on s'entend. C'est très, très, très particulier. Donc, ces bactéries-là, toutes spéciales, qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre, sont la base de la chaîne alimentaire. Donc, il y a des crabes, des crevettes, des escargots, des vers qui vont brouter tout ce tapis de bactéries-là. Donc, c'est vraiment un écosystème indépendant et complètement nouveau qui n'existe nulle part ailleurs, qui n'a aucune autre référence. Oui, c'est un fait. Il y aurait énormément d'études à faire là-dessus. Énormément. Oui, oui, oui. Il y a des espèces très, très intéressantes comme un qu'on... D'ailleurs, si vous allez vous taper sur Internet, allez voir ça. Riftia. C'est un grand ver. C'est assez grand là, à l'œil nu. Là, plusieurs centimètres, dizaines de centimètres. Ça a l'air de voguer un peu dans l'eau. Dans les eaux. Hein. Et ça contient de l'hémoglobine comme notre sang à nous. Okay. C'est quand même fascinant qu'un invertébré qui a l'air d'une plante un peu contient de l'hémoglobine. Okay. Sauf que l'hémoglobine, contrairement à notre hémoglobine à nous, humaine, utilise le fer. Okay. Ou contrairement aux plantes et le magnésium, en fait. Exactement. Mais là, ça va être du soufre. Donc, vraiment, c'est le soufre, c'est la base de la vie dans ces écosystèmes-là. Dans ces fonds marins. Oui. Également aussi des types d'escargots qui utilisent du fer dans leur coquille, hein, parce qu'il y a tellement de fer. OK. Oui, alors, sur Terre, ici, les escargots ou tous les crustacés... C'est la base de calcium, c'est le carbonate de calcium. Exactement. Alors que là, c'est du fer qui a complètement des propriétés chimiques très différentes. Donc, c'est un métabolisme différent pour assimiler le fer. C'est incroyable. Il y a plein d'espèces qui sont très extrémophiles, qui aiment les extrêmes. Donc, une pression très forte, des températures très élevées. Donc, il y a plus de 300 espèces qui ont été découvertes, là, qui n'existaient nulle part ailleurs sur Terre. Ça a été vraiment un choc, là, dans ces années-là. Donc, ça a été vraiment un bouleversement dans le milieu scientifique de découvrir toute cette vie dans des conditions aussi austères. Exactement. Donc, ça a remis un peu en question l'origine de la vie. Alors, il y a naturellement des scientifiques qui ont émis la théorie que la vie sur Terre originerait des fumeurs noirs. Uh-huh. Bon, un certain Günther Wachershaus, pardon mon accent allemand un peu boiteux, qui a lancé d'ailleurs la théorie que la vie originerait des fumeurs noirs et serait un peu exportée un peu plus loin, là où la température de l'eau est plus normale, entre guillemets, et que tranquillement, la vie aurait migré vers la Terre. Donc, ça a été jusque-là... Il y en a plusieurs autres, là, je ne vais pas élaborer sur toutes les théories, mais c'est vraiment quelque chose. Et c'est d'ailleurs d'actualité au sujet de l'exploitation minière également. Il est possible d'aller chercher des minéraux au fond des océans, ou en fait aussi loin que ça? Oui, ça vous prouve à quel point où est-ce qu'on est rendu dans notre recherche de minéraux sur Terre. comme j'expliquais, il y a des dépôts autour des cheminées, beaucoup de minéraux, du plomb, de l'or, du cuivre, du zinc, puis souvent assez pur, pas trop mélangé avec d'autres roches moins intéressantes. Avec la gangue, c'est ça. Exactement. Donc, il y a de la prospection minière en Nouvelle-Zélande en ce moment même, beaucoup pour le plomb, le zinc et le cuivre. C'est les trois qui sont intéressants, qui sont beaucoup utilisés dans l'industrie en général. Mais le fait que ça se passe en milieu, en fait, au fond des océans comme ça, est-ce que c'est pas plus dangereux pour l'environnement? C'est aussi très coûteux, là. Faut quand même penser à ça. On peut pas amener 1000 personnes puis installer un camp. À 2 km, c'est ça? On a eu des problèmes au Chili avec des mines hors terre. Donc, il faudrait faire attention, j'imagine, dans les mines dans le fond de l'océan. Mais il y a déjà deux compagnies qui sont au dernier stade, en ce moment, en 2010, dernier stade d'exploration avant l'exploitation. Donc, vraiment, c'est très, très récent. Il y a Neptune Minerals et Nautilus Minerals. On peut aller voir sur Internet puis explique tout le concept d'exploitation minière. Mais malheureusement, il n'y a pas de parc, il n'y a pas de loi, il n'y a rien qui protège ces écosystèmes-là qui sont complètement uniques, pas reproductibles ailleurs. On ne pourrait pas préserver ça d'une autre manière. C'est très, très flou, il n'y a rien. Donc, malheureusement, il n'y a pas de normes là-dedans. Ils ont un peu... Ouais. la carte blanche pour l'exploitation. Ouais. Donc, ça reste à voir qu'est-ce qui va pouvoir être mis. Peut-être s'il y a des scientifiques qui vont se regrouper un jour pour essayer de protéger ça. Ça reste à voir. D'accord. Merci infiniment, Christine Dupont, pour cette chronique. Alors, on fait une courte pause peut-être et je vous reviens avec le mot de la fin.